C'est par ça que j'ai envie de commencer, par vous dire qu'il y a un lien très fort et assez inhabituel entre la créature et le créateur, puisque c'est difficile de penser à Maigret sans penser à Simenon, et sûrement pour la conférence, à un moment donné, je vais faire le lapsus, vous me corrigerez, je dirai Simenon alors que je veux dire Maigret, ou je dirai Maigret et je veux dire Simenon. Les deux sont liés, alors que souvent les personnages qui ont une carrure aussi mythique que Maigret, souvent s'autonomisent complètement de leur créateur. Il faut déjà être savant pour savoir que, d'ailleurs je reviens à mes faits, pour savoir que Fantômas a été créé par Souvestre et Alain, ou que Don Juan, qu'est-ce qui a créé Don Juan ? Tirso de Molina, personne ne sait ça, hein, vous voyez, ou Superman. Quelqu'un sait qui a créé Superman ? Moi non plus, hein, je dois regarder ma feuille. Jerry Siegel et Lou Shuster, ou Popeye à certains cigares, ou Tarzan, on sait un peu mieux, Burroughs. Et donc, il y a comme ça toute une série de personnages qui s'autonomisent, même dans notre propre mythologie. Spirou, on pense spontanément à Franca, alors que c'est pas du tout Franca qui l'a créé, c'est un certain Robvel, qui était français par ailleurs. Et parmi les premiers dessinateurs de Spirou, bien avant Franca, il y a un certain Luc Nafnay qui a un rapport avec Simenon, puisqu'il a illustré son tout premier roman. S'il y a une comparaison à faire à ce niveau-là, ce serait le cas de Tintin, parce que Tintin, je crois que c'est pareil, tout le monde sait bien que Tintin, c'est Hergé, il y a un lien entre les deux, un aller-retour qui se fait entre les deux, mais c'est très contrasté, parce que Hergé, on a l'image de quelqu'un bien Belgique à papa, pépère, bien tranquille chez lui, qui ne quitte pas Bruxelles. Sauf à la fin de sa vie, il s'émancipe un petit peu, il fait une psychanalyse et il nous offre la veuve Hergé, que tout le monde déteste tellement dans le pays qu'on finit par trouver sa louche et à l'apprécier. Mais c'est Tintin l'aventurier qui part aux quatre coins du monde. Et le cas de Simenon Maigret est troublant pour ça, parce que ça inverse complètement la figure. L'aventurier, c'est pas Maigret, c'est Simenon qui porte un casque comme Tintin, cette photo l'atteste, et qui va au Congo. C'est Simenon qui est une superstar, qui remplit en 52 conservatoires, pour dire quelques mots, parce qu'il revient en Belgique. C'est Simenon, le mondain qui connaît tout le monde, là vous avez Joséphine Baker, Simon et Fernandel, Cocteau, et là il remet la palme d'or à Fellini en 1960 pour la Dolce Vita. Et puis c'est aussi Simenon qui a une vie aventureuse au niveau amoureux, avec ses fameuses 10 000 femmes, ne sont pas toutes sur le dessin. Bonjour Bjorn, installe-toi confortablement. Donc, alors que Maigret est beaucoup, beaucoup plus romantique, puisque c'est l'homme d'une seule femme, comme vous savez, la délicieuse Madame Maigret, que vous voyez ici interprétée par une certaine Annick Tanguy. Et donc, il y a une sorte de contraste, entre c'est le personnage est plus pépère et plus bourgeois que le créateur, contrairement au couple Tintin-Hergé. Même en tant que commissaire, il a quelque chose de très rangé, puisque ses collaborateurs disent de lui, c'est dans le roman Félicie et là, qu'il s'installe dans une enquête comme dans des pantoufles. Donc vous voyez que voilà, ça y est, déjà. Maigret a une image beaucoup moins aventureuse que son créateur. Et pourtant, Simenon a fait des efforts, si on en croit les propos même de Maigret, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais Maigret a écrit un roman qui s'appelle « Les mémoires de Maigret », dont voici la première couverture, qui est amusante. Les éditions sont moins bien, mais sur la première édition, vous voyez, Simenon est barré, commissaire Maigret, « Les mémoires de Maigret ». Donc c'est un roman tout à fait étrange, dans lequel Maigret prend la plume, soi-disant, évidemment, enfin, vous l'avez compris, Maigret prend la plume pour s'adresser à Simenon et dire « il a complètement mythifié mon personnage, il a exagéré, il ne s'est intéressé qu'aux enquêtes les plus extraordinaires », et Simenon répond, Maigret fait parler Simenon, en fait Simenon fait parler Maigret qui fait parler Simenon, et Simenon répond « La vérité ne paraît jamais vraie, racontez n'importe quelle histoire à quelqu'un, si vous ne l'arrangez pas, on la trouvera incroyable, artificielle, arrangez-la, et elle fera plus vrai que nature, faire plus vrai que nature, tout est là, aidez à moi, je vous ai fait plus vrai que nature », dit donc Simenon à Maigret, et Maigret tout penaud, il dit « Bah alors moi, je suis moins vrai que nature ben, », évidemment. Et donc, le vrai commissaire Maigret, tel qu'il existe à travers ce roman unique, les mémoires de Maigret, devait être encore plus pantouflard que celui que nous a donné Simenon. Il existe aussi une lettre que Maigret écrit à Simenon quand il est pensionné, mais bon, on ne la lira pas parce que ça prendrait trop de temps, mais il y a une autre mythification qui est plus sérieuse, celle-là qui a été faite par Simenon au sujet de son commissaire Maigret, c'est le moment de la création du commissaire Maigret. Il a raconté ça souvent, et là, c'est pas Maigret lui-même qui va le détromper dans un livre, ce sont les spécialistes de Simenon, les spécialistes les plus érudits, dont le fameux Michel Lemoine qui habite ici, pas loin d'ici, à Liège, qui a mis le doigt sur cette mystification faite par Simenon. Simenon a raconté... Bonjour Gérald, je suis content que tu sois là, c'est bonjour, toi confortable. Bonjour, je suis vraiment confus. Voilà. Je t'en prie, poursuis. Merci. Donc je disais, j'en étais à la naissance de Maigret, que Simenon a raconté qu'il était sur son bateau l'Ostrogoth, voilà. Son bateau, enfin on ne voit pas bien, mais c'est Simenon à cette époque-là. Il est aux Pays-Bas, à Delfzijl, très précisément, et il a une sorte d'intuition, comme ça, dans la brume néerlandaise. Il voit ce personnage massif, et hop, une sorte d'illumination presque mystique qui lui donne, comme ça, le personnage de Maigret. Et cette apparition nette correspond à la volonté de Simenon de bien classer son œuvre en plusieurs parties, parce que, comme vous le savez sans doute, il a commencé dans les années 20 en écrivant des romans populaires qui signaient sous divers pseudonymes. C'était soit des romans sentimentaux pour les dames, soit des romans d'aventure pour les jeunes garçons, soit des romans gaulois, on appelait ça à l'époque, pour les messieurs. Donc c'est une production qui va lui coûter cher pour sa réputation par la suite. Il en écrit énormément, presque 200 en 10 ans, il écrit ça à toute vitesse, pour gagner de l'argent. On voit mieux, d'accord. Une fois qu'il va se débarrasser, qu'il va changer de type de production, il va vouloir bien montrer que c'est des étapes et des étapes claires. Donc il divise son œuvre en trois parties, les romans populaires sous pseudonyme, les Maigret, il dit lui-même que c'est de la semi-littérature, donc il cautionne le fait que ce ne soit pas de la littérature légitime, il dit c'est plus facile, ça en explique à Gilles, il dit c'est plus facile parce qu'il y a un meneur de jeu, et puis il y a la vraie littérature, c'est ce qu'il a appelé lui-même ses romans durs, ou romans-romans, pour dire qu'ils sont romans au carré, auxquels il tient vraiment beaucoup. En fait, si on regarde les choses d'un peu plus près, là, cette division en trois parties faite par Simenon lui-même, elle correspond quand même à la réalité, mais elle est un peu forcée, parce que les divisions ne sont pas aussi nettes que ça. Entre les romans durs et les romans Maigret, il y a des romans qui sont de transition, des romans qui sont quand même des enquêtes policières. Tous les premiers romans durs, il y a toujours un crime. Il lui faut longtemps pour arriver à se passer du meurtre et du crime et de l'enquête dans ces romans durs pour qu'ils deviennent vraiment 100% psychologiques. Donc il y a des zones de transition entre les Maigret et les romans durs. Et a fortiori, et en amont, il y a aussi des transitions entre ces fameux romans populaires sous pseudonyme et les Maigret. Mais Simenon a mieux de penser que ça n'a rien à voir. Et la preuve en est, c'est qu'il y a un premier roman policier qui se glisse dans la série des romans populaires, c'est Nox la Sédissard, vous voyez, c'est noté au-dessus, roman policier, main de papier abîmé, 50 centimes le volume, qui date de 1926, donc déjà fort en amont dans sa production, où c'est pas du tout, ça ne ressort pas du tout à Maigret, c'est pas du tout un roman réaliste comme les Maigret, c'est proche d'Arsène Lupin, du personnage d'Arsène Lupin. Le héros, d'ailleurs, c'est le bandit, c'est Nox, qui est insaisissable et qui est un personnage peu crédible, fantasme, feuilletonesque. Et puis, il essaye de créer, avant d'arriver à créer Maigret, il crée déjà des personnages récurrents qui font plusieurs enquêtes, plusieurs enquêteurs. Il y en a deux. Il y a le personnage, l'inspecteur Sancet, un premier inspecteur, et aussi un certain Yves Jarry, aventurier détective, qui apparaît dans plusieurs romans. Il y a trois romans, Chair de beauté, 1927, La femme qui tue, 1928, les titres sont magnifiques, et L'amant sans nom, 1928, qui est le dernier de la série. Et dans cette série où il y a ce personnage de Jarry qui est un aventurier flamboyant, qui a du succès avec les femmes, qui est brillant, qui est mondain, qui a de la conversation, qui est ultra intelligent et en même temps très athlétique, enfin qui a toutes les qualités, donc comme ces héros de romans feuilletonesques. Dans L'amant sans nom, il apparaît un contrepoint qui s'appelle l'inspecteur 49 et qui n'est pas du tout héroïque du tout, qui est gros, qui marche à pas lourds qui est peu expressif, qui est très patient, très lent, et qui fume la pipe. C'est un proto-Maigret. Donc, dès ce roman, est-ce que j'ai dit la date? Oui, 1928, donc 2 ans avant Piet le Letton, le premier Maigret officiel. Le personnage apparaît en douce, comme ça, en contrepoids d'un héros trop brillant, trop magnifique, mais il ne s'appelle pas encore Maigret. Un tout petit peu après, la même année, dans un roman purement sentimental, Une ombre dans la nuit, signé par Georges Martin Georges, mais c'est Simenon, le nom de Maigret apparaît, mais c'est un médecin, donc c'est pas encore notre policier. Donc, il y a le personnage qui apparaît sans nom, en fait, puisque c'est l'inspecteur 49, il y a le nom qui apparaît, donc ça, c'est vraiment par étapes, et puis le personnage apparaît vraiment dans un roman qui paraît en 1930, qui s'appelle Train de nuit, qui est signé Christian Bruls, donc c'est un autre pseudonyme de Simenon, où Maigret apparaît, mais c'est dans le cadre d'un roman sentimental, encore un roman à l'eau de rose, et donc c'est bien notre commissaire, on le reconnaît de plus en plus, mais il joue un rôle secondaire. Il a déjà cette attention aux petites gens, il a sa large stature, il est calme et brutal, mais compréhensif, donc déjà très proche de notre personnage, mais il joue seulement un rôle secondaire. Il y a un autre roman comme ça, même deux autres romans comme ça où Maigret joue les seconds rôles, la figurante de Christian Bruhl et la femme rousse de Georges Sim, qui est un policier. Puis enfin, il y a, j'ai oublié de montrer la couverture de Train de nuit, donc là où il apparaît pour la première fois, mais où il joue un rôle secondaire. Et vous voyez que l'éditeur, c'est déjà Fayard, ce qui sera l'éditeur de Maigret officiel. Les images sont intéressantes. Mais apparaît enfin La Maison de la Quiétude, un roman que Simenon va avoir du mal à publier. Il ne signe pas encore Simenon, mais Georges aussi. Puis la première enquête de Maigret. Là, Maigret, quatrième roman où il apparaît, il est vraiment au centre de l'enquête. C'est lui le personnage principal. Et il a bien les caractéristiques qu'on lui connaît. Il fume la pipe, il porte le chapeau melon, on ne le voit pas sur l'illustration, parce que Maigret porte le chapeau melon, contrairement à ce qu'on voit dans les séries télévisées. Il habite déjà boulevard Richard Lenoir, où il habitera jusqu'à ce qu'il prenne sa pension. Il est bougon, bourru, il observe beaucoup, il fouine, il prend le temps. Et il est déjà accompagné de l'inspecteur Torrance, qui l'accompagnera durant toute sa carrière jusqu'à la fin. Et il a affaire au fameux juge Comelio, qui est son ennemi intime, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire le juge qui toujours lui met des bâtons dans les roues. Pardon. Et puis enfin, via le premier Maigret officiel, Piet le Letton, et... Même ce roman-là, même s'il est officiellement signé Georges Simenon, comme vous le voyez sur la couverture, il peut aussi être considéré comme une sorte de transition, parce qu'il est encore assez feuilletonesque dans son récit, encore assez rocambolesque, et il y a ce personnage de Piet le Letton, qui est le bandit, si vous voulez, que des masques Maigret, et qui ressemble très très fort, justement, au fameux détective Jarry, qui était au centre du roman « L'amant sans nom », où Maigret apparaissait en contrepoids à Inspecteur 49. Et donc, il y a une sorte d'inversion. Là, c'est le même duo, si vous voulez, parce que Piet le Letton, par exemple, il a la faculté de se déguiser de manière complètement peu crédible, exactement comme Jarry en avait la possibilité. Donc, on dirait que dans le premier Simenon officiel, il fait ses adieux aux personnages rocambolesques et peu vraisemblables de ses romans populaires à travers ce Piet le Letton, qui, très symboliquement, se suicide à la fin, parce que Maigret lui laisse l'occasion, au moment de l'arrêter, de sortir par lui-même, et il se donne la mort. Donc, toujours est-il que Simenon a réussi à convaincre un de ses éditeurs, le plus prestigieux de ses éditeurs de romans populaires, Fayard, de publier de Maigret, et de lancer une série. Il lui dit qu'il va en écrire un par mois, l'autre est un peu sceptique, il dit « je vous en amène déjà 6 que j'ai écrit en 3 mois, donc 2 par mois ». Donc, il va y avoir une production. J'ai beaucoup d'images au début. Après, ça va se calmer, je vous préviens déjà. Ça ralentira le rythme des images. Donc, une très grande production de Maigret. Et au début, raconte Simenon, pour savoir si c'est vrai, il y a toujours du doute. Fayard n'est pas du tout enthousiaste. Il pense que ça ne va pas marcher. Il aurait dit ceci. « Vos textes ne sont pas de vrais romans policiers. Un roman policier se déroule comme une partie d'échecs dont le lecteur doit posséder toutes les données. » Rien de tel chez vous. Votre commissaire n'est pas infaillible. Il n'est ni jeune ni séduisant. Quant aux victimes et aux assassins, ils ne sont, eux, ni sympathiques ni antipathiques. C'est la première analyse de la nouveauté du personnage de Maigret, sur laquelle je vais revenir, et mes doutes de l'éditeur. Mais deuxième lapsus, Simenon a le sens de la promotion et de la publicité, et il organise les choses en grand, c'est très célèbre, dans une grande boîte à la mode à Montmartre, il lance une soirée qui va s'appeler le bal anthropométrique, où les gens sont amenés à se déguiser par rapport au monde de l'univers policier, et il y a des menottes partout, etc. Donc c'est un événement mondain dont on parle dans tout Paris, et d'emblée, Maigret est connu, lancé, et il publie en 31 toute une série de Maigret d'un coup, Monsieur Gallet décédé, le pendu de Saint-Folien qui se passe ici, Piette le laiton, premier qui est écrit, le chartier de la Providence et la tête d'un homme. Et puis le succès suit, et Simenon écrit à une vitesse vraiment phénoménale, en 2 ans, de mai 1930 à mai 32, il en écrit 17, donc 17 signés de son vrai nom, en plus de celui qu'on a vu tout à l'heure qui n'est pas reconnu. Et ils paraissent tous en 2 ans, en 31, 32, il y a 17 Maigret qui paraissent. Et puis, il ralentit sa production nettement, puisqu'il n'en écrit plus qu'à en 33 et en 34, non pas parce qu'il se repose ou qu'il fait le tour du monde, il fait le tour du monde aussi, mais surtout parce qu'il écrit de plus en plus de romans durs, et qu'il a envie de passer ce qui est pour lui l'étape supérieure, donc à la franche littérature, et donc il décide d'arrêter les Maigret après le 19e, qu'il intitule d'abord Maigret, d'ailleurs Maigret, il n'y a pas d'autre titre, c'est Maigret, un Maigret qui s'intitule Maigret, c'est le 19e, et il s'amuse à mettre Maigret à la pension. Maigret a quitté Paris, il habite Mains-sur-Loire, il est pensionné, mais il est quand même repris par une enquête, et donc c'est le dernier Maigret. Et au même moment, nouveau passage symbolique, Simenon quitte Fayard pour entrer chez Gallimard, et publie son premier roman chez Gallimard, la même année où il publie son soi-disant dernier Maigret. C'est le locataire qui paraît chez Gallimard, mais tout le monde lui réclame Maigret. Personne n'est content qu'il arrête Maigret, il reçoit plein de lettres de lecteurs. Gallimard lui-même, malgré son titre d'éditeur prestigieux, veut quand même publier du Maigret. Et le portefeuille de Simenon aussi, qui vit un très grand train de vie, ses romans durs se vendent moins bien, donc le portefeuille aussi réclame le retour de Maigret. Donc il se met à réécrire des nouvelles dès 36, donc 3 ans après la mort de la pension de Maigret, il reprend déjà du service, le pauvre. Et puis un premier roman, là, fin de l'année 39, il en écrit 3, on ne sait pas trop dans quel ordre. Sans doute le premier, c'est Cécile est morte, Les caves du Majestic, La maison du juge, qui seront publiés en un seul volume chez Gallimard en 1942, sous le titre qui fait vraiment très commercial, Maigret revient. C'est un titre, le roman n'existe pas, c'est l'ensemble de ces 3 romans-là qui paraît chez Gallimard, le grand éditeur légitime, aime quand même bien de vendre des livres aussi. Et puis il continue à en écrire régulièrement, il y en aura 75 en tout. Et entre 2-3 romans psychologiques durs, il écrit à Maigret. Et le dernier roman qu'il écrira sera aussi à Maigret, en 1972, Maigret et Monsieur Charles. Et donc, succès qui ne se dément jamais et qui est planétaire, puisque les romans de Maigret vont être traduits en 46 langues. Je les ai sous les yeux, si vous voulez le savoir, je vous le dirai tout à l'heure, mais c'est un peu fastidieux comme énumération. Et il n'y a aucune langue dans laquelle on ne publie que des romans durs. Si on publie un seul roman, c'est toujours un Maigret. Donc, il y a des langues où il n'y a que des Maigrets qui existent comme roman de Simenon, il n'y a pas le cas inverse. La dernière langue, à ma connaissance, c'est le coréen, c'est il y a 2 ans. C'est l'intégrale des Maigrets, pas un seul roman. Donc, c'est vraiment ça qui a fait son succès. Alors, j'avais une illustration quand même, avec quelques petites traductions du pendu de Saint-Folien, évidemment, notre musée national. Vous voyez, c'est l'or japonais, parfois il garde sa folie, parfois ça devient liège, ou parfois ça n'a rien à voir, l'édition en anglais peut-être. Alors Maigret est nouveau, comme l'avait pressenti Fayard, mais en croyant que cette nouveauté ne fonctionnerait pas, et elle a bien fonctionné. Maigret est nouveau, qu'apporte-t-il de nouveau? Ce qu'il apporte, on l'a repéré tout de suite, c'est d'abord que c'est à l'intérieur d'un genre précis du roman policier. Il n'invente pas un nouveau genre policier, il s'inscrit bien dans le roman d'énigmes, c'est-à-dire le crime a lieu avant que le roman ne commence, et le roman raconte l'enquête qui rétablit le crime qui a lieu antérieurement. Donc c'est un des types de romans policiers, c'est pas le thriller, etc. Mais à l'intérieur de ce roman-là d'énigmes, donc pour l'archétype, c'est Agatha Christie, hein, l'exemple archétypique, c'est Agatha Christie, qu'on connaît plus, ce qu'il ajoute, c'est que Maigret n'a plus rien d'exceptionnel. C'est un homme normal, autant physiquement qu'intellectuellement, Hercule Poirot, très intelligent, Maigret pas spécialement. Si c'est un surhomme, dira Jacques Dubois, c'est un surhomme de la banalité. Donc c'est un personnage qui est plus réaliste, plus vraisemblable que ses prédécesseurs. Et le roman s'écrit de la même manière. Il y a beaucoup, c'est la fameuse atmosphère dont on parle toujours quand on parle de Simenon, c'est la capacité de l'écrivain de produire très très vite l'effet de réel en faisant des descriptions très courtes, mais très efficaces, et qui ne contiennent pas nécessairement d'indices. Dans les romans policiers traditionnels, s'il y a une description, il y a toujours un indice ou un faux indice pour tromper le lecteur dans la résolution de l'énigme. Là, c'est juste pour produire l'effet, le fameux effet de réel. Maigret n'est pas non plus dandy, comme souvent ses prédécesseurs. Il est plein de défauts, il est bourru, il est placide, il est facilement de mauvaise humeur. Et puis, il a une vie en dehors de son travail. C'est le premier qui a une vie en dehors de l'enquête. On connaît sa femme, hein, on a vu sa photo tout à l'heure. Il a des amis, il a des goûts, des habitudes pépères, toujours d'aller manger dans le même restaurant, la brasserie Dauphine, près du Quai des Orfèvres. Il y a sa fameuse pipe, quantité invraisemblable d'alcool qu'il boit dans toutes ses enquêtes, le poêle dans son bureau du Quai des Orfèvres qui tient à garder même quand on a mis le chauffage central partout. Il a un passé, on sait bien qu'il est fils de régisseur d'un château, on sait bien quels sont ses rêves de jeunesse, il prend sa pension, etc. Donc il a toute une vie, on sait qu'il n'a pas d'enfant, qu'il a perdu, il a eu un enfant qui est mort en bas âge, donc on connaît toute sa vie extérieure, et ça c'est un tournant dans le roman policier, parce qu'on ne reviendra jamais, sauf exception, on ne reviendra jamais en arrière, par rapport à cette suppression de la vie intime du héros. Tous les héros plus récents, on connaît leur vie, leur vie sociale et affective, etc., et privée. Autre nouveauté du personnage de Maigret, c'est que c'est un fonctionnaire, c'est un commissaire de police, alors que la plupart des héros des romans policiers antécédents sont journalistes, comme Rouletabille, ou des privés, comme Hercule Poirot ou nombreux autres. Et donc, ça applique des méthodes qui sont tout à fait particulières, des méthodes d'enquête tout à fait particulières, dont le point le plus important, c'est le fait que, contrairement aux autres, Maigret accorde très peu d'intérêt aux indices matériels, les empreintes, les objets qu'on trouve, etc. Souvent, ça ne fonctionne pas du tout, ou il n'y en a même pas, parfois, dans les Maigret. Il cherche plus, comme le dira Daniel Bajomet, des indices existentiels. Donc, c'est basé sur la psychologie. Il ne résout pas les enquêtes au moyen de ces petites cellules grises, comme dit Hercule Poirot, mais il ne fait pas de déduction logique. Il réussit à résoudre ses enquêtes par une méthode psychologique, somme toute assez improbable, mais en tout cas éprouvée de roman en roman, qui consiste à se mettre dans la peau des différents protagonistes de l'action. Il s'identifie à eux de manière complète, comme ça, une sorte de dépersonnalisation qui lui permet de comprendre autrui, et à partir de là, de reconstruire le drame. Donc ce n'est pas vraiment purement de l'intuition, c'est un processus psychologique plus sophistiqué que ça, et qui passe par une sorte de rituel. Et le premier rituel qui compte, c'est de s'imprégner des lieux. On retrouve le motif de la fameuse atmosphère, elle est justifiée par ça. Il a besoin de savoir le temps qu'il fait, d'observer l'intérieur et de sentir les odeurs. Il est toujours en train de renifler Maigret. Ce n'est pas spécialement élégant. Donc on est vraiment très loin du dandy avec ce gros monsieur qui renifle partout. Ce dernier point, cette méthode, elle a été très très vite repérée par les commentateurs. Donc, il y a une sorte de lien entre le fait que Simenon introduit la psychologie et la profondeur psychologique dans les romans. Les personnages ont une densité existentielle, c'est des êtres humains, juste des pions sur un échiquier spirituel. Et en même temps, Maigret, de son côté, introduit la psychologie dans la résolution de l'énigme. Les deux vont de pair. Il y a une sorte de lien entre ce qu'apporte Simenon roman policier et ce qu'apporte Maigret à la manière de résoudre son enquête. Et ça a été très vite repéré par les critiques. C'est pas du tout moi qui le découvre devant vous aujourd'hui sur cet homme midi. Les critiques littéraires journalistiques de l'époque ont tout de suite repéré ça de manière assez sagace. Ils ont d'emblée souligné le fait que c'était plus une enquête psychologique qu'une enquête policière. Que ce n'était pas des automates, mais des humains, on a tout de suite relevé le fait que l'atmosphère, c'est ça qui comptait vraiment dans les romans de Simenon, dans les Maigret. Et très vite, évidemment, le jugement de valeur défavorable pour le genre du roman policier, Maigret sort du roman policier. c'est pas vraiment un roman policier, c'est plus que ça, avec toujours cette hiérarchie des genres et des sous-genres. Simenon a une double réaction par rapport à ça, par rapport au fait que les journalistes mettent tout de suite le doigt sur la nouveauté qu'il introduit, qui est apparemment contradictoire, c'est que d'une part, il va mettre ça en valeur, il va le mythifier en parlant lui-même dans les romans, et d'autre part, il va masquer certains éléments du fonctionnement réel de son intrigue. Il mythifie ça de très nombreuses manières. C'est d'abord souvent Maigret lui-même qui met en valeur sa manière de fonctionner. Par exemple, presque dans chaque enquête, il y a ses collaborateurs au début qui lui demandent « Qu'est-ce que vous en pensez, patron ?» et il répond toujours « Je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne pense pas. » Donc, mettre en valeur le côté intuitif, spontané et pas déductif de sa méthode. Quand il pense à son passé, il se souvient qu'il voulait être médecin. Et il dit même, dans deux Maigret, il parle du fait que petit, il rêvait d'un métier qui n'existait pas, qui était raccommodeur de destinée. La même expression revient dans Maigret et le corps sans tête et dans les fameuses mémoires de Maigret. Raccommodeur de destinée, et il complète son commentaire en disant, ça ressemble au fond finalement à un nouveau métier qui est apparu entre-temps, qui est psychanalyste. Donc, Maigret lui-même insiste sur le côté psy de ses enquêtes en disant « En fait, ce que je voulais faire quand j'étais petit, c'est ce qui correspond à un psychanalyste aujourd'hui, mais ça n'existait pas à l'époque. » Les collaborateurs aussi ne cessent de mettre le doigt sur l'étrangeté de la méthode de leur patron. Ils disent « Ah, ça y est, le patron entre en transe, ça y est, le patron est dans le bain. » C'est une expression. « Il devient comme une éponge, il absorbe, etc. » Ça se voit physiquement qui est en train de devenir un autre, ou sa femme dit « tu n'es plus Maigret ». Soit le narrateur directement, et c'est là que c'est le plus fort, mythifie complètement Maigret et sa méthode, en allant jusqu'à écrire dans l'inspecteur cadavre que Maigret devient, ouvrez les guillemets, « quelque chose comme Dieu le Père », fermez les guillemets. C'est pas une mythification, je vois pas comment on peut plus mythifier un personnage que carrément le comparer à Dieu le Père, parce qu'il est capable de se mettre dans la peau de tout le monde, tous les personnages de l'intrigue. Enfin, Simenon, qui est, je vous l'ai dit, un grand communicateur, un grand publicitaire, introduit des slogans qui mettent en valeur la particularité des intrigues policières à la Maigret, comme cette fameuse devise qui est commune à lui, à Simenon et à Maigret, « Comprendre mais ne pas juger ». C'est la devise de Maigret, c'est la devise de Simenon. Et donc, ça insistait sur le fait de comprendre, donc c'est comme ça qu'il y arrive. Autre slogan, c'est le fameux slogan de l'homme nu, avec parfois la variation l'homme tout nu, que Simenon a créé pour expliquer ce qu'il cherchait à travers sa littérature et ses voyages, et c'est aussi ce que Maigret cherche, donc essayer de voir l'homme indépendamment des conventions et des apparences sociales. Maigret en parle dans Maigret Voyage. Et donc, tout ça est souligné et mis en valeur par le texte lui-même, et ça cache plusieurs choses. Le fait que, malgré tout, concrètement, Maigret, dans ses enquêtes, est quand même bien obligé de faire attention aux indices matériels. Par exemple, il fait sans cesse appel au médecin légiste, le docteur Paul, et il en tient compte quand même. Donc, il réfléchit quand même, il reconstruit une histoire. Il y a quand même, il n'est pas dans la pure intuition tout le temps. Donc, la mythification cache un peu le fait que c'est quand même malgré tout un roman policier d'énigmes normal aussi par ailleurs. Ça masque aussi le fait que Maigret a des haines, a des préjugés, a des a priori sociaux et qu'il n'est pas toujours capable de comprendre et de ne pas juger. Il y a certains de ces a priori qui nous sont plus ou moins sympathiques, comme le fait qu'il aime bien ce qu'il appelle lui-même les petites gens, qui sont toujours des braves gens, comme il le met noir sur blanc dans une nouvelle. Mais il y a d'autres a priori beaucoup moins sympathiques. Maigret est franchement homophobe, par exemple. Quoi qu'il en dise, il lui arrive tout le temps de juger. Évidemment, c'est impossible de faire autrement. D'ailleurs, ses jugements sont parfois formulés explicitement. Il traite tel personnage de l'affaire Saint-Fiac de crétin. À la fin d'un interrogatoire d'un jeune homme, il lui dit « Finalement, tu es un idiot et pas un malhonnête ». Donc, il porte des jugements assez forts. Il est aussi très jugeant par rapport à son ennemi intime, le juge Comelio, qui ne cherche jamais à comprendre et qui le voit seulement comme quelqu'un qui abuse sa classe. Donc il juge, mais il juge d'une manière spontanée, avec une sorte de foi en son intériorité, en son bon cœur, si vous voulez, un peu d'une manière rousseauiste. Et une fois qu'il a jugé comme ça quelqu'un de manière positive, c'est à ce moment-là qu'il est capable de comprendre. Donc, c'est pas vraiment comprendre, mais ne pas juger. C'est après avoir jugé rapidement avec mon cœur, je suis capable de comprendre une partie des gens. C'est comme ça qu'il faudrait revoir sa devise. Alors, autre chose, c'est que Simenon, tout en insistant sur le côté psy de son personnage, va prendre garde, au fur et à mesure que la série avance, de ne plus formuler les interprétations psychanalytico-psychologiques de Maigret. Il le fait au début, par exemple, dans le Chartier de la Providence, l'assassin est le Chartier, qui est un ancien médecin, et c'est un médecin qui, suite aux aléas de l'existence, est devenu Chartier et vit presque comme un animal avec ses chevaux. Et Maigret, il fait une grosse interprétation psychologique à la fin du roman, au moment de l'élucidation de la trie. Il ne fera plus ça par la suite. Par exemple, il y a un roman qui ressemble beaucoup à celui-là qui s'appelle Maigret le clochard, qui date de 63, où l'histoire est très proche puisque c'est le clochard en question est un ancien médecin, et c'est ça qui fascine dans l'intrigue, c'est ça qui fascine Maigret. Pourquoi est-ce que ce médecin est devenu clochard sous les ponts de Paris? Mais là, on n'a accès qu'à des questions. On n'a jamais la réponse. Et donc, Maigret prend soin, Simenon prend soin, troisième fois, de ne pas donner au lecteur l'interprétation psy toute faite. Il nous la laisse faire. Tout ça a beaucoup de conséquences. Cette méthode a comme conséquence sur les enquêtes que très souvent, Maigret, quand il s'identifie au criminel, le laisse fuir. Il y a beaucoup de romans où il le laisse en liberté, parfois parce qu'il n'a pas de mandat, il n'intervient pas officiellement, donc c'est facile, parfois parce qu'il ne transmet pas le dossier au juge Comédio, ou il laisse au criminel la possibilité de se faire justice lui-même, comme peut-être le laiton qui laisse se suicider. Deuxième conséquence, c'est que dans les cas où s'identifie plutôt à la victime qu'au coupable, souvent il se trompe, parce que ça lui donne moins d'indices, évidemment, d'indices existentiels de s'identifier à la victime qu'au coupable. Mais parfois c'est la victime qui happe, et donc il y a beaucoup d'affaires où il échoue, il ne trouve pas le criminel, où il doit le laisser filer. D'ailleurs, il y a certains qui s'appellent Un échec de Maigret, où Maigret se trompe, c'est plutôt un autre cas, c'est comme dans l'affaire Saint-Fiac, c'est quelqu'un d'autre qui résout l'énigme. Maigret se trouve pris par son processus d'identification et il ne trouve pas la clé d'énigme. Et puis, il y a le cas le plus fréquent où il trouve, mais un peu par chance, franchement, puisque ça ne repose pas sur tous ces indices matériels, etc. Ça vient un peu comme un coup de chance, quoi. Un coup de chance total. Ça a été aussi souligné, notamment par l'auteur de romans policiers plus postérieur à Simenon, Narcé Jacques, qui a écrit un essai sur Simenon. Il dit quand même, c'est génial Simenon, mais les intrigues sont quand même pas très bien ficelées. Et sans doute, elle se dit, dû au fait que, justement, Maigret ne choisit pas vraiment à qui il s'identifie. Pour en revenir au roman Maigret le clochard, en deux mots, c'est l'histoire d'un clochard qui, pendant la nuit, est battu puis jeté dans la Seine, et il est repêché par deux mariniers, dont un marinier flamand. Et donc ce clochard n'est pas mort, mais il refuse de prendre la parole, il refuse de parler avec la police. Et il fascine complètement Maigret parce que, en faisant son enquête, il apprend que c'est un ancien médecin. Et donc, Maigret, c'est un roman presque existentiel, comme ça, où Maigret essaye de se mettre dans la peau de cet homme pour comprendre qu'est-ce qui l'a amené à devenir clochard. Mais ça n'explique jamais en quoi pourquoi quelqu'un l'a frappé et l'a jeté à l'eau pour le tuer en pleine nuit. Et vraiment, on arrive vraiment aux deux tiers du roman, et Simenon doit se dire, il est quand même temps que je m'occupe un peu de cette enquête. Et soudain, Maigret a une intuition et se met à torturer psychologiquement, mais vraiment sans aucune raison, un des deux pauvres mariniers qui a sorti le clochard de l'eau. Juste le flamand, évidemment, il y aurait quelque chose à faire, je ne sais pas si ça n'a pas tellement fait, mais on dirait que Simenon, il a des comptes à régler avec nos amis flamands. C'est le flamand, il se met à le torturer, à poser des questions à sa femme, à son frère, etc. Et il finit par apprendre que le beau-père du marinier, donc le père de sa femme, est tombé à l'eau et s'est noyé justement sur un quai où habitait à ce moment-là le clochard. Donc c'est parce que c'est un témoin gênant que revoyant Clochard, le marinier l'aurait jeté à l'eau. Mais c'est vraiment aucun indice, aucune raison. Le texte est même un peu gêné, mais il a une intuition, et hop, on y va. Il a un coup de chance de tomber sur un autre crime. Et en plus, c'est un échec de Maigret, parce que le marinier n'avoue jamais, il dit, mais non, vous fabulez, enfin. Et le clochard, ex-médecin, ne veut rien dire, ne veut pas parler à la police. Donc, Maigret doit le relâcher. Il a juste l'intime conviction qu'il a mis le doigt sur le coupable, mais il doit le relâcher. Alors, c'est assez amusant d'observer ce qu'en ont fait les scénaristes des adaptations télévisuelles, parce que pour un feuilleton à la télé, ça ne peut pas tenir qu'une enquête aussi mal construite ni par rapport au canon du genre de l'énigme. Alors, ils ont été malins, les scénaristes. Il y en a eu deux. Il y a une version en 82 avec Jean-Richard, où ils ont ajouté deux éléments. Un premier élément, c'est qu'on voit au début la scène où le clochard est repêché et le marinier flamand, il y a un marinier français et un flamand, et le français est en pyjama et le flamand est toujours habillé. On se demande pourquoi, à 2h du matin, il est habillé. Donc, on les différencie l'un à l'autre. Hein. Donc, on se dit, ah, tiens, celui-là. Et puis, il est hyper nerveux tout le temps, ce marinier flamand, hyper agressif avec Maigret et tout. Donc, il donne des indices d'ordre psychologique. Ceux qui ont fait la version Bruno Kremer en 2004 ont une idée que je trouve vraiment ingénieuse. Ils ont fait en sorte, c'est toujours un bateau flamand, qui s'appelle comme dans le roman le Zwarte Zwan, le cygne noir. La marinière est flamande, mais le marinier est français. Alors, bateau flamand, marinière flamande, Maigret comprend vite que le marinier a hérité de son beau-père, de son bateau. Donc il se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'un français conduit comme ça et patron d'un bateau flamand? Et hop, il y a une petite question, donc ça justifie le fait qu'il leur pose des questions, alors que dans le roman, il n'y a aucune justification. Donc ça le met, cet indice intelligemment trouvé par les scénaristes du feuilleton, le met sur la piste du meurtre du père. Ce mot-là, meurtre du père, me fait revenir à la question psychanalytique. Du fait que notre Simenon nous laisse à nous, lecteurs, la possibilité de poser nous-mêmes l'interprétation, qu'il n'a fait plus dire platement par son commissaire, on se retrouve, nous, lecteurs, un petit peu dans une position de psy, justement. On n'est pas dans une position de joueur d'échecs, comme quand on lit un Agatha Christie où on essaie de remettre les pions en ordre, on est nous-mêmes dans la peau d'une sorte d'herméneute psy. Et donc, très vite, et je crois que tout le monde fait un peu des suppositions de ce type-là à propos de Maigret, et la plus commune et la plus courante d'entre elles, c'est de dire que Maigret, c'est une figure paternelle. Et Simenon nous a nourri nous-mêmes dans ce sens-là, parce que quand les journalistes lui demandaient, selon la question rituelle, Maigret, c'est un peu vous, hein, Madame Bovary, c'est moi, donc Maigret, c'est un peu vous, Simenon répondait jamais oui, hein, aux journalistes. Mais non, pas du tout, c'est pas moi, c'est mon père. Quand j'ai imaginé le personnage de Maigret, moi qui adorais mon père, c'est l'homme le plus aimable que j'ai connu dans ma vie, donc pour que les gens l'aiment, je me suis inspiré de mon père. Et on voit les points communs, qu'on est, le lecteur de Simenon connaît son père à travers Pédigré, le roman où il raconte son enfance. Le personnage du père s'appelle Désiré comme le vrai père de Simenon. Et effectivement, on voit des points communs, un côté épicurien dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'il sait profiter des petits plaisirs de la vie, la lumière du ciel sur la Meuse quand il traverse les ponts de Liège, etc. Et Maigret a des côtés comme ça aussi, qui sait profiter des petites joies toutes simples de la vie. Mais sinon, l'interprétation doit être un peu complétée parce que le Désiré, tel qu'il est peint par Simenon lui-même, est un homme complètement dominé, et dans son boulot, et dans son ménage, est complètement dominé par ce personnage terrible, qui est la mère de Simenon, qui mériterait aussi trois conférences, Henriette dans la vie, Élise dans Pédigré, personnage terrible qui domine complètement son mari, et lui impose tout le temps des choses qu'il n'a pas envie. Maigret, pas du tout, il n'est pas du tout dominé par Madame Maigret, qui est plutôt un peu à son service, donc il faut faire une sorte d'aménagement en disant c'est une sorte de père idéalisé. Va très fort dans ce sens-là la question du rapport, dont on a énormément parlé aussi, du rapport de Maigret avec les femmes, puisque si on compare par rapport à un roman qui s'appelle L'âne rouge, qui est un roman autobiographique aussi, comme Pédigré, là on voit que dans L'âne rouge, le père du héros, qui ressemble très fort au père du jeune Simenon, meurt jeune comme le père de Simenon, comme Désiré, mais il meurt chez les prostituées, ce qui constitue une tâche dans la famille, une sorte de dégradation du père dans l'âne rouge. Et Maigret, c'est juste l'inverse. C'est l'homme qui a l'air complètement indifférent à la question du sexe et qui, pas par pruderie, parce que il est très... Enfin, il a le même genre de conception quant à la fidélité que Simenon, c'est-à-dire que quand il rencontre, quand un témoin lui avoue qu'il trompe sa femme, il lui dit « bah vous êtes un homme normal », c'est quand même discutable comme morale, mais enfin voilà, c'est la morale de Maigret. Il adore les prostituées aussi, enfin il trouve toujours, c'est toujours des braves filles, les prostituées, mais lui, il ne consomme pas. Et quand dans un roman, c'est Maigret, l'homme du banc, il y a une prostituée en peignoir, évidemment elle est nue sous son peignoir, qui ouvre son peignoir et qui lui reste complètement insensible, on a droit à ce dialogue-ci. C'est tout l'effet que cela vous fait, quoi, de voir ça. Il ne broncha toujours pas et elle s'impatienta. Avec un geste cynique, je ne sais pas lequel, elle ajouta, vous voulez ? Merci. Merci oui ? Merci non. Bien, mon vieux, vous alors. Et donc, vous voyez, c'est pas du tout du côté de la castration. C'est presque une force qu'il a de savoir résister aux femmes. Force que n'avait pas son géniteur, puisque vous savez que Simenon a dit lui-même que dans les 10 000 femmes, il y avait 8 000 prostituées. Donc, il a résisté moins bien que son personnage. Mais il y a quand même une faille dans la cuirasse de ce père idéalisé. C'est Daniel Benjamin qui a mis le doigt dessus magistralement dans son livre « Une légende du XXe siècle » où elle analyse le rapport de Maigret avec Madame Maigret, la fameuse Madame Maigret, qui est toujours là, qui est une mère nourricière toujours en train de nourrir. Et très souvent, quand il est avec sa femme, Maigret redevient un petit garçon. Donc lui qui est partout ailleurs le père, qui prend toujours une figure paternelle, quand il est avec sa femme, il redevient comme un enfant. Le texte le dit explicitement plusieurs fois. Elle lui fait un jour un rôti avec des têtes de céleri et de la purée. C'est très régressif. Avec la purée, le motif régressif de la purée. Et Simenon ajoute, comme quand il était enfant. Donc, et puis il y a une autre scène où Madame Maigret l'attend, comme on attend un enfant qui revient de l'école. Et quand, dans Maigret où il est pensionné, là, elle surveille son mari comme un poupon. Donc, vraiment une figure supramaternelle. Le père redevient un enfant quand il est avec sa femme, qui est en fait sa mère. Et inutile de dire que quand il est question de monsieur et madame Maigret au lit, c'est toujours pour des problèmes de sommeil, parce que Maigret ne dort pas bien, jamais pour autre chose. Donc, on peut voir que ce père idéal, aussi bien dans sa version, Maigret, aussi bien dans sa version père idéal que dans sa version homme-enfant, représente une forme de paix par rapport à cette question de sérénité, par rapport à cette question si angoissante et qui a entraîné Simenon dans tellement d'exaltation et une vie si compliquée. Maigret, c'est une sorte de repère de sagesse par rapport à Simenon lui-même. Alors, oui, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, à côté de cette nouveauté de Simenon et Maigret qui introduisent la psychologie dans le roman, qui a été repérée par la plupart des commentateurs, il y a une autre nouveauté qu'introduit Maigret par rapport au roman policier à énigme traditionnel, c'est l'aspect social, qui lui, c'est pas Daniel Benjamin cette fois-ci auquel je me réfère, mais évidemment à notre maître Jacques Dubois dans son ouvrage Le roman policier ou la modernité, où il traite de ça. Le roman policier à énigme traditionnel, si les questions du social, c'est seulement dans le jeu des indices et des faux indices pour jouer entre l'auteur et le lecteur, pour essayer de nous faire croire que le criminel c'est un tel et pas un tel. Évidemment, les attributs sociaux jouent un grand rôle là-dedans, parce que si quelqu'un a une mine patibulaire et a vraiment l'air de nettoyer un couteau, on peut être sûr que c'est, au début du roman, c'est sûr que c'est pas lui l'assassin. Par contre, tous les signes de notabilité sociale, on ferait bien de se méfier quand on est lecteur de romans policiers et énigmes. Si quelqu'un est médecin, il est plus suspect que s'il est petit voyou, a priori, du crime du roman, simplement par le jeu de « il est médecin, on lui fait confiance, donc ça fait un bon coupable qui surprendra bien mes lecteurs ». Donc un jeu purement intellectuel, comme ça, un jeu d'échecs, une stratégie de jeu d'échecs avec les lecteurs. Donc le social se limite en général à ça jusque-là dans le roman policier énigme. Maigret, c'est tout différent. Même quand on le lit distraitement, on s'aperçoit qu'il est porteur d'une vision sociale nette et claire du monde et qui correspond à celle de sa classe sociale, la petite bourgeoisie, qui est aussi celle dont Simenon est issu. C'est une vision qui est sociale en se voulant apolitique, se prétend apolitique, mais qui l'est quand même, puisqu'elle porte une vision du monde qui est faite d'une sympathie pour les petites gens, hein, je vous ai dit tout à l'heure, qui sont souvent de braves gens, comme il le dit noir sur blanc dans On ne tue pas les pauvres types, et de méfiance, voire de haine, à l'égard des grands bourgeois qui sont à but de leur supériorité. Et c'est là, de nouveau, qu'on retrouve la figure récurrente du fameux juge Comelio, qui juge tout à travers les catégories sociales. Et même méfiance aussi pour les parvenus, les gens qui viennent de monter subitement d'une classe à l'autre. Par contre, Maigret a une sorte d'admiration non réfléchie, non critique, spontanée, pour deux classes, aux deux extrêmes de la hiérarchie sociale, les aristocrates, surtout dans les premiers Maigret, évidemment, parce que c'est une classe en disparition, mais il y en a par exemple dans le chartier de la Providence, ou évidemment dans l'affaire Saint-Fiacre, les aristocrates qui eux, sont préservés. On dirait que Maigret croit que c'est vraiment une classe vraiment supérieure, et il est complètement fasciné par eux, et sans gêner s'il doit les interroger, etc. Et à l'autre extrémité, cette fascination pour les clochards. Donc, les deux extrêmes l'attirent également, et le fascinent également. Et c'est des extrêmes, mais en même temps, comme on dit en tout cas, les extrêmes se rejoignent, puisque ils ont pas mal de points communs, ces aristocrates et ces clochards, notamment qui résistent tous les deux, selon Maigret et Simenon, au jeu social, au jeu des apparences sociales. Ils sont libérés, ils s'en fichent des masques, etc. Et d'ailleurs, les grands aristocrates qui sont décrits dans l'œuvre de Simenon sont presque toujours des décadents, alcooliques, ou en train de brûler la fortune qui a été conservée par les générations et les générations. Donc c'est une classe qui n'est pas du tout dans le respect de la matériel, cette fascination par l'argent, une sorte de détachement par rapport à l'argent, alors que la bourgeoisie est obsédée par lui, par l'argent, et le clochard, pareil, c'est celui qui s'est détaché non seulement des apparences sociales, il se moque de ce qu'on pense de lui, mais aussi qui s'est détaché, évidemment, des contingences matérielles. Donc, deux classes qui le fascinent parce qu'elles ont une position extrême qui lui permettent de sortir du social. Mais, donc, il y a comme une sorte d'idéalisation d'une... Quelle heure est-il ? Ah oui, oui, c'est ça. Oui, c'est fini. Oui, c'est ça. Je me trompe, moi. Donc, oui, voilà. Et alors, Dubois résume ça en disant finalement, il ne remet pas en question les classes sociales telles qu'elles existent, mais il est contre les barrières sociales, c'est-à-dire il est contre le mépris d'une classe pour une autre, et il est pour une sorte qui est plus d'exclusion sociale. Donc, Dubois résume ça en disant que finalement, c'est un démocrate, qu'il est pour la démocratie sociale. Ben voilà, ça peut être une bonne conclusion pour cette conférence. Donc, Maigret est un social-démocrate. Je vous remercie de m'avoir écouté.